bien établie. Voilà, mon cœur est tout transi. Le printemps s'en est allé, quatre chevaux de neige à pas feutrés font à ma neige. Voilà qu'au milieu de mon rêve, voilà qu'une image se lève. C'est toi en costume blanc qui ramène le printemps sur les beaux jours de notre amour. Je me rendors, l'hiver est...